Alors, France, qu'on fait? Eh, nous là, deux bras, Gilles. Nous sommes bien fatigués, mais nous allons passer un petit peu en vacances, petit. Mais oui, où ça faut nous partir en vacances, mon vieux? Tu es vacances là? Ce soir, nous allons danser. Sont au paradis, se promenant comme de bons amis, sans chemise et sans pantalon. Le bon Saint-Pierre qui les y avait mis, les regardait d'un air attendri, sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser. Si nous n'étions pas si collés montés, nous passerions peut-être l'été sans chemise et sans pantalon. Chez les sauvages il n'y a pas d'erreur, même à l'église on chante tous en chœur, sans chemise et sans pantalon. Ce soir nous allons danser, à nous aller, sans chemise et sans pantalon. Ce soir nous allons danser sans chemise et sans pantalon, sans chapeau et sans pantalon, sans robe empire et sans pantalon, et surtout et sans pantalon, sans robe twist et sans pantalon. Paradis, se promenant comme de bons amis, sans chemise et sans pantalon. Le bon Saint-Pierre qui les y avait mis, les regardait d'un air attendri, sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser, sans chemise et sans pantalon. Ce soir, nous allons danser.